de Victoriaville. This man, people that are fucking sleepwalking. They're just sleepwalking, man. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. En mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 31e FIMAV. Enfin, le Salon de la Passion médiévale ouvre ses portes à Québec. Si le Moyen-Âge vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique Salon de la Passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le Salon de la Passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Et voilà, ça s'est arrêté comme ça. Je pense que Bruno a pas compris ce que tu voulais dire. Et je faisais des vagues. Hein. Oui, je faisais c'est un ça. Signal oui, de vague. C'était pas ça, là. Hey, bonsoir, Michel. Bonsoir, Marc. Bonsoir, oui. Oui, je pense que Bruno peut dire bonsoir. Bonsoir pour Bruno. Et bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Oui, bienvenue à Terra Incognita, votre émission hebdomadaire de rock progressif. Et je pense que la première chose que moi, personnellement, j'ai le goût de dire, c'est qu'il reste une semaine. Ah oui, j'ai assez hâte. Avant Terra Incognita. Oui, la 11e convention Terra Incognita. Une semaine, exactement. Ça va, imagine, dans une semaine, on va être assis et on va avoir Anecdote. Oui, ah! Bon, OK. Puis leur nouveau disque est vraiment bon. Oui, là. Moi, j'adore. Il y en a qui sont pas contents. C'est vrai? Oh, oui, j'ai eu quelques commentaires pour... Oh, je m'ennuie de mon vieux Anecdote d'antan. Mais ça, on parle de... Mais pourtant, moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup au premier. Ben, en tout cas, il est plus dans l'esprit du premier que ce qui a été Time of Day. C'est un mélange ou, des... ou même Nucleus, en tout oui. cas. Bon. Oh, oui. Ben non, c'est sûr que... Mais, bon, il y aura toujours des gens pas contents, mais moi, je l'adore. Ça. Est-ce possible? Oui, tu peux me croire. Il n'y a aucun doute. Mais moi, je trouve que ça... C'est un clin d'œil au passé, puis en même temps, ben... Mais en même je peux te dire, même, il y a peut-être un peu plus rock, même. Oui, oui, oui. Là, je vais en faire sursauter quelques-uns, là, mais il y a une pièce, là, je trouve que The Break, entre guillemets, Ça me rappelle Deep Purple. Mais okay. Ça, ben oui. Ça, je l'ai pas dit. Pourquoi pas? Ben oui, mais non, mais je, franchement, moi, c'est une belle surprise, ce disque-là. Mm. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on va écouter. On commence avec ça ce soir. Et puis, on va avoir quelques nouveautés, dont Magic Pie, le dernier. Oui, oui. Qui paraît, je pense, la date d'écouter. De parution, c'est le 25 mai, sauf erreur. Alors, en grande primeur à la Radio de Québec, et à oui. Terre Incognita. Donc, restez des nôtres. Il va y avoir de la bonne musique, évidemment, comme d'habitude. 2 heures de prog. On aura aussi en entrevue le Inner Odyssey. Dans un groupe de Québec. Peut-être 25 minutes à peu près. Avec des primeurs encore de ce côté-là. Oui, ben c'est leur nouveau, leur second disque. Il n'est pas encore sorti. Là. Ascension, ou je ne sais pas si on peut dire Ascension. Je vais leur demander. Pourquoi pas? Mais c'est ça. Donc, Inner Odyssey dans 25 minutes et puis ben, 2 bonnes heures de musique. So we modern city. Behind walls, bars and stone, dream, mighty city of the wind and the sea. Stars, call me down from the sky. We'll be right back. ser. De vandrar runt omkring. Här vid du och jag. Och vi står upp båda två. Respektera min värld och jag tar din. Utan rosor, utan svärd. Det är svårt, min vän. Men tiden står öppen igen. Vi har att jag lever, att jag finns och att jag kräver ett undantag, ett du och ett jag. Men om du älskar så vill jag att du älskar den man som lever nu. Nu min vän, inte då, inte sen. Et de retour à Terra Incognita, c'était un premier bloc là, suédois. Suédois, oui, oui, tout à fait. Comme la farce de Bruno, il y a un copyright dessus. Là. J'en ai plein suédois. Sur les doigts. Sacré Bruno. Bah, vous le connaissez pas, hein, c'est un joyeux drill. Donc, c'était Kaipa solo. Je pense que c'est le dernier, ça, de la gang, hein, solo, sauf erreur. Et puis, on se passait la réflexion, ça sonne un peu Flower King. C'est pas un hasard. C'est juste avant Flower King. Exactement. Là, hein? Et puis, on avait Annick Dotton live au Nearfest. Cherchez pas ça, là. Ça sert à rien. Et puis, il y avait Annick Dotton du plus récent, Until All the Ghosts Are Gone. Ça, j'ai hâte de voir ça en concert. C'est samedi prochain. Et ne cherchez pas de billets non plus. Ça, c'est fini. Mais par contre, il en reste pour Caïpa da Capo pour le dimanche. Oui. Mais avec le grand Ron Stolt, ouais, c'est ça. Hein? Donc, il ne faut pas manquer ça. Ronnie Stolt. Oui, c'est ça. Je me suis fait te reprendre. Hein? Ah oui, mais j'imagine. Il faut que tu pratiques un peu ton suédois, Michel, franchement. Oui, écoute, c'est tellement facile. Oui, mais là, avec le spectacle qu'on va voir, là, ça va être justement chanté dans leur langue. Là. C'est en suédois, le Caïpa. Écoute, moi, je m'avance pas. C'est possible que ce soit en anglais aussi. Parce qu'il y a des nouvelles compos. Ah oui. Apparemment, là, moi, la dernière chose qu'on m'a dit, c'est qu'il avait travaillé sur un nouveau disque. Il n'est pas sorti, mais il y a des pièces. Donc, il y a également El Castello de Atlante avec Tony Pagliuca de Léormé. Oui, ça, c'est... Si je me fie au dernier concert qu'on a eu. Là. Oui, hein, ça a l'air... Et curieuse coïncidence, hein, c'est que c'est les deux, comme... Hein, je veux dire, Ryan Stolt et El Castello, un après l'autre. Oui. Ah oui, c'est toute une journée, le dimanche, là, il reste des billets, puis je pense que... Ça manquez pas ça, là, parce que ça va être quelque chose. Frog Café aussi, oui. Frog Café, ils font peut-être faire une pièce de Frank Zappa. Il était en hommage à Zappa. Ben, moi, je pense que longtemps, oui. Là, je pense qu'ils en font une... C'est dans leur style musical aussi, là. Oui. Ouais, donc il faut pas manquer ça. Il y aura House aussi, Anton Roulard. Ça c'est samedi. Il y a les Fans of Scotland. Ouais, ben là c'est vrai qu'il reste plus de billets, bon. Mais quand même. On peut le dire quand même. Mais Anton va être quand même dans le hall toute la journée. Lui, le samedi, dimanche aussi là. Dimanche donc, aussi. Ouais. Comme Et puis, c'est vrai, je vous liais, et c'est Anton qui va ouvrir pour le concert hommage à Peter Gabriel, le saut, le vendredi soir. Donc, vendredi le 15, le vendredi qui s'en vient. Ce qui m'amène, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas que je l'oublie, j'ai une paire de billets pour des auditeurs. Donc. Après le micro, là. Toi, Marc, te rappelles-tu du numéro par cœur, là? Oui, 640-1586 dans le 88. C'est une paire de billets pour le show du vendredi soir, le 15 mai. C'est en hommage à Peter Gabriel, oui. On attend vos appels. Et puis, nous, on passe à l'entrevue. Je pense qu'on l'a annoncé. On va la faire. Hein. Ils sont là maintenant. Hey, nos amis Vincent et Simon. Donc, Inner Odyssey, nouveau disque. Mais il n'est pas encore sorti officiellement. Là. Pas officiellement encore. Bonsoir. Salut, bonsoir. C'est là qui marche, celle-là. Oui. Il faut que tu te rapproches. On t'entend, là, Vincent. Oui, là, on t'entend, c'est beau. Bruno qui nous fait des signes en arrière, en tout cas, ça a l'air correct. Ben oui, Bruno, s'il te fait des signes, c'est... Ah, OK. Bon, okay. C'est qu'il y en a un qui okay, parfait. Fait que, c'est moi, bon. Je suis pas mal sûr qu'il marche. Oui, marche-tu? Oui, regarde, je suis avec vous. Je suis avec vous. On entend, donc... Ça marche pas de fil, ça. Bon, OK. Fait qu'un nouveau disque, Ascension. Là, j'étais pour dire Ascension, mais je me suis fait taper ses doigts tantôt. Ascension. Ça paraît mieux demain. Ouais. Ben, bonsoir. Merci d'être venu nous présenter votre album en primeur, là, puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc, il y a une seule pièce, je pense, Vincent, là, que tu as diffusée. Exactement. Quelques jours, World of My Own. Qui est la troisième pièce de l'album. La pièce qu'on va écouter justement après ce micro-là. Donc, deuxième album, il y a eu un changement de formation. Oui, il y a quelque chose qui me passe par la tête. Vous avez joué à Terra Incognita il y a un an. Un an, oui. Jour pour jour. Mm-hmm. Ben oui. Est-ce que le fait de jouer ces pièces-là avant de les enregistrer, est-ce que ça a eu un impact quelconque ou... Pour nous ou pour les gens? Pour vous. Ben en fait, c'est que on venait de faire un petit changement dans le line-up du groupe. Il manquait un membre cette soirée-là. Mais c'était bon ce show-là. Ben merci. Oui. Fait qu'on l'a fait différemment en fait là. Dans le fond, toutes les parties qui étaient chantées par Pierre-Luc à l'origine, ils étaient chantées par moi, par Étienne et par Marie, la personne qui m'accompagne dans mon projet solo. Ça a donné une autre dynamique. Complètement différent de ce qu'on va entendre sur l'album, là, mais... Donc, donc, il aurait fallu enregistrer ce show-là. peut-être. Mais le fait de le faire comme ça, avec un line-up qui était différent, puis dans une ambiance qui était différente, je pense que ça nous a donné une idée de comment on pouvait l'amener différemment aussi. Puis on veut pas, à chaque fois qu'on joue des pièces, on entend des choses différentes, puis en studio, ça paraît. On fait ressortir des choses qui sont pas nécessairement les premières auxquelles on aurait pensé puis qui n'étaient pas là sur les maquettes au départ. Ouais. C'est toujours, ça aide toujours. Des fois, c'est même surprenant. Oui. Puis si vous regardez votre premier, celui-ci, moi, quand je l'ai écouté, j'ai eu comme réflexe un peu de me dire, ah, on dirait comme la rencontre de, du projet solo de Vincent et puis des Nora DC le premier. Ouais, peut-être un petit peu. Hein. Alors, je savais qu'elle allait dire ça, quelque chose un peu... un petit peu plus, un petit peu moins mélancolique, là, mais... Ouais, c'est oui. Sûr que c'est pas... moins mélancolique mais... Isos, et tu veux dire? Ouais, puis probablement le premier album de Have a Seat, c'était pas le plus joyeux non plus. C'est peut-être un peu plus... ouais, il y a des notes un peu d'espoir là-dedans. Il y a aussi dans le thème des chansons, dans vraiment dans la mélodie, c'est quelque chose qui est plus... qui est un peu plus joyeux, qui est un peu plus léger. Ben, on dirait, bon, ça reste Inner Odyssey, là, ouais. On s'entend, c'est quand même... y a quand même des passages un peu plus sombres, là, puis ça... Dans le premier album, on parlait beaucoup de maladies mentales, puis de mort. Dans le deuxième, on parle plus de vie. Ben, de là, Ascension, j'imagine, d'où vient le titre. Oh oui, c'est comme plus positif. Belle petite métaphore. Mais c'est moins métal, aussi. Oui, définitivement, je dirais que le côté métal est plus devenu le côté rock. Je pense qu'il est plus prog aussi. Ouais, ça je suis d'accord. Et il est peut-être un peu moins flasheux, un peu moins technique, quoique. Ouais. Ben, ouais. Peut-être par technique, un peu moins Dream Theater. Ouais, clairement. On met pas la technique au profit de la virtuosité et d'en mettre plein la vue. Je pense que c'est plus là, vraiment pour servir la musique. Dans celui-là, il y a une naïveté qui est un peu là en moins, là, à ce niveau-là, je pense. Bon, je pense qu'on... Hey, on écoute une première pièce. On va l'écouter une. J'ai bien hâte, moi, là. OK, donc, on écoute Word of My Own. C'est Inner Odyssey, leur nouveau disque Ascension. Et c'est Terra Incognita, c'est KRL 89.1. bonsoir. Hey, ça c'était donc Inner Odyssey, qui nous a joué un tour là. Il ouvre les micros, oh, oui. Là, tu sais, il essaye de nous prendre. Bah, bon, ok. Ben oui, Inner Odyssey Ascension, le deuxième, date de parution, le lancement, là, c'est le 16 juin. Oui. Officiellement au Cercle. Officiellement, on annonce ça maintenant. Au Cercle. Donc, il y a un concert, un 5 à 7. 5 à 7 avec, avec prestation. Le 16 juin, c'est ça? Oui. Puis le 23 mai, ben, c'est. Le 23 mai, c'est la sortie officielle en version digitale de Ascension. Donc, c'est, ça, c'est les deux dates à retenir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à quelque part, on est chanceux, on l'écoute tout de suite. En format numérique, là, vous voulez dire, ouais, comme on pense. Oui, c'est ça. On voulait le faire en deux étapes. On voulait sortir. Si tu veux l'avoir en format numérique, sur. Genre iTunes ou... Sur Bandcamp, en fait. Bandcamp. Puis la pré-vente est actuellement en cours. Donc, vous pouvez aller au innerodyssey.bandcamp.com pour aller réserver votre copie de Ascension. Alors, on va sortir des singles là, jusqu'à la date de sortie, le 23 mai prochain. Puis, on a une petite exclusivité aussi à annoncer ce soir. Exclusivité Terra Incognita. Ben, c'est pas moi qui vais l'annoncer, là, parce que je suis pas au courant. Ben, on sera présent à la convention Terra Incognita. Ah, ben oui, ben oui. Et malgré que la sortie officielle est le 16 juin, ben, les gens vont pouvoir se le procurer le 16 mai. Si donc, ceux qui viennent à la convention, ben, on sait que la convention, c'est plein de bonne musique. On rencontre les membres des groupes, mais en plus, on a des groupes d'ici qui viennent. Présenter. On a un petit kiosque, puis on va jaser avec les gens, faire découvrir la musique. Eh oui. Ben, c'est la place pour ça. Ben, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de commentaires d'Américains qui viennent. Okay. Puis c'est ce qu'ils aiment beaucoup, là, l'espèce de côté intimiste, parce que des musiciens se mélangent avec les gens, puis ben, c'est ça, là. Les photos, les disques, les autographes, puis tout, là, c'est très facile. Là, parce que... C'est une belle énergie. Oui, c'est une belle énergie. Moi, en tout cas, j'en ai besoin d'énergie pendant cette fin de semaine. Mais c'est vraiment. Moi, j'appelle ça un peu le Woodstock du prog, là, quelque part. Là, c'est les deux plus belles journées de l'année pour n'importe quel fan de prog. Oui, c'est exactement. Alors, puis Inner aussi, ouais, c'est ça, on a un nouveau son, j'aime le son là, de ce que j'ai entendu, j'ai hâte d'entendre la prochaine pièce, mais vous avez un changement, là, évidemment, de direction avec la voix du le claviériste, ouais, il s'appelle Étienne, hein, c'est ça? En fait, c'est le drummer. Oui. Étienne, c'est notre drummer qui est maintenant également notre chanteur. OK, oui, drummer et chanteur. Il a fait un Phil Collins de lui-même. Des belles petites analogies avec ses ancêtres. Rien de moins. Non, mais écoute... C'est une belle comparaison. Non, mais c'est vrai, mais je trouve ça drôle, parce que souvent, des groupes, ils sont là, ça nous prend un chanteur, puis là, ils l'ont oublié dans le groupe, moi, mais ils s'en rendent pas compte, ils ne savent pas. Là, puis à un moment donné, ah, ben, coudonc, OK, on va l'essayer. Ouais, on a mis du temps avant de... On cherchait un chanteur pour remplacer Pierre-Luc, puis il dit, ben, je vais essayer. Ah, ouais. Puis finalement, c'était une révélation. Donc, on savait que je chantais bien, mais c'était vraiment une révélation. On est très contents. Ça a paru en studio aussi. C'est vraiment très professionnel, Étienne. Puis on était vraiment très, très, très, très contents de sa performance. Ben, vous l'avez entendu comme nous autres. Ben oui, oui, oui. Non, ben on dirait qu'effectivement, c'est ce qui a fait... on pense pas batteur, on pense qu'il a été chanteur pendant des années. Mm-hmm. Ouais. Ah, donc, c'est étonnant. Ouais. Bref, il me surprend, là. Mais dis-tu pas, là. C'est enregistré, ça, là. Hein? Non, il sera pas. Puis là, si vous nous parliez un peu, peut-être, la pièce qui s'en vient. Losing Your Mind. Ben là, tu me disais tantôt que c'est un disque positif. Oui, en fait, c'est un album... Losing Your Mind, ouais. Là, c'est un album concept... Je te taquine. Qui fait un peu une référence à de la naissance jusqu'à la mort à travers les questions existentielles qu'on se pose. Qu'on est très jeune puis qu'on pense qu'on est très, très mature. Ouais, c'est vrai, le style, je pense, sandwich au fromage ou sandwich au bacon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu une pièce de cassure. Là. C'est comme le moment où... On se remet vraiment en question, là, puis qu'on voit que ça n'a pas vraiment de bon sens, puis on cherche vraiment notre chemin là, à travers la vie en général. Là. C'est une belle analogie, finalement. puis si ça peut vous rassurer, même à 60, c'est la même affaire. Ouais, oh, je pense que c'est des micro-cycles. Hein, oh. Ça, c'est plus à la fin de l'album, par exemple. OK. Ouais, c'est vrai qu'il reste au même village rendu là. Non? Ben oui. Hey, vous en avez 11 quand même. Il reste encore 3-4 oui. tonnes après 60. Oui, oui, oui. combien de temps? 1h10, je pense. Oui, 69 minutes. Ouais. Wow. Et des poussières. Donc, quand même un bon. Mais là, en amateur de prog que je suis, les pièces doivent être courtes. La plus longue, elle dure 10 minutes. Contrairement à notre premier album. Que, ouais. Mais c'est, en fait, faut le voir comme une toune au grand complet. C'est quelque chose qu'il faut. J'étais pas sérieux. Là. Non. Mais très, très sérieusement, moi je suis très sérieux. L'album se suit. Chaque pièce, les transitions sont très très c'est seamless, donc ça se veut un album, ça se veut une œuvre en tout. Vous allez voir aussi que les c'est thèmes pas, se répètent là, dans c'est pas les concept tours. Mais pas loin, je pense qu'on peut comparer je pense qu'on peut comparer ça à The Whirlwind de Transatlantique ou encore Snow de Sparksbeard. Ouais, ben là on parle d'un disque concept. Mm-hmm. Ben, ouais, c'est un disque concept. Bon, moi je pense que c'est un disque pas mal sûr que oui. Bah ben, mais la petite question de la pub que j'ai vue dans l'imprimé, là. Ah, OK, là, je la retrouve. Ouais, ouais, ouais. L'aigle. Ouais. Ben, que... Ascension, c'est... L'aigle, c'est un symbole de montée, de... Aide-moi, Simon. Non, c'est... Il n'est pas dans... un bon extinction, l'aigle. D'envol, de liberté, mais il aussi en même temps... Il est en ascension, Michel. Ouais, déjà... Pas désolé. OK. Ben oui, écoute, Bruno, là, parce que vous l'entendez pas, mais Bruno, lui, il aime ça, là, comme... Tu sais... la parole. On a une longue pièce, puis... On parle, puis lui, il me parle en arrière, là, tu sais. Donc, personne ne l'entend, c'est sauf comme moi. Ton ange. C'est là. Comme j'entends des voix, là, mais c'est Bruno. Donc, Bruno, ben oui, on va exaucer ton souhait, et on va les mettre une... On s'en va à la pièce... Losing Your Mind. 5, Losing Your Mind. Slowly lifting on the ground. I'm losing Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince graphique puis une tuque. Tressé ou à rabattoir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de lait de gerbérée pour emporter. Non. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à La Barberie. Yeah. À La Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Du 11 au 14 juin, Desjardins présente la 32e édition du Festival de la chanson de Tadoussac en collaboration avec Hydro-Québec. Quatre jours de concerts avec plus de 40 artistes québécois et internationaux. Milk and Bone, Clay and Friends, Mehdi Cayenne Club, Raton Lover et bien d'autres. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer. Réservez vos billets et passeports par téléphone ou en ligne sur chansontadoussac.com. Excuse-moi, chérie. Le Festival de la chanson de Tadoussac, le plus grand des petits festivals. Une invitation de la bière Belle Gueule. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez-moi. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez-moi. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. À ne pas manquer en mai au Bar Rock La Source de la Martinière. Oraz, jeudi 30 avril. Capsize, dimanche 3 mai. 68, lundi 4 mai. Soirée Folk Rock avec The Free Walker, vendredi 8 mai. The Mashup et Swiss Knife, samedi 9 mai. La Ligue d'impro La Libido, mardi 12 mai. The Lazy, mercredi 13 mai. Counterpunch et Crossdog, jeudi 14 mai. QCDM Death Metal Fest, samedi 16 mai. Pour plus d'infos, suivez-nous sur Facebook. À La Source de la Martinière, il faut que ça coule. Ici Yves Corbeil, un petit côté dément. Ben oui, pourquoi pas. Je vous invite à écouter Démentiellement Vôtre le vendredi soir à CKRL avec Satan Guy. 1, 2, 1, 2, 3. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 14 au 17 mai 2015, CKRL est fier de co-présenter, en collaboration avec Voir Québec, le concert Marc Ribot, Ceramic Dog. 1, 2, 3. Le samedi 17 mai à 20h, venez entendre la musique qui déménage du trio punk rock avant-gardiste au pavillon du Mont Arthabasca de Victoriaville. Listen, man, people, they're fucking sleepwalking. They're just sleepwalking, man. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. En mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 31e FIMAV. Central Pay, we end on the beach. De retour à Terra Incognita. Je t'ai laissé la chance de commencer. Là. C'était Inner Odyssey. C'était, oui, Inner Odyssey. On les a gardés, finalement. Ben oui, pour le mot de la fin. On aurait pu le dire, nous aussi, de retour à Terra Incognita. Oui, vous avez pu le dire. Ça aurait été bon. Mais c'est juste, dans le fond, c'est juste pour vous donner une chance de dire bonsoir à tout le monde. Bon, hein. On va l'apprendre. Parce qu'il est tard, là, si vous voulez aller vous coucher. Ah oui. On est jeune, là. Oh oui. Il faut pas veiller trop tard. Non. Ben d'ailleurs, je pense que je vois ta mère qui arrive, là. Ah, ben oui, Gadon, oui. Bon. 2 minutes, maman. Ben non, c'est un peu sérieux quand même, là. Ça, hein? Ils sont nageurs, là. Oui. Bon. Ben, on va vous donner rendez-vous. Donc, c'est ça, mais on va juste répéter les... pour. Bonne idée. Ben oui. Donc, le 23 mai, lancement digital sur... les internets. Oui, mais... Exactement. Sur Bandcamp. C'est ça. innerodyssey.bandcamp.com. On peut l'accéder par notre Facebook aussi, notre site web. Et puis, le 16 juin... C'est lancement officiel. 5 à 7. Et puis, évidemment, ben, le 16 et le 17 mai, ben, vous êtes à Terra Incognita. Yes. La convention. Lancement exclusif à Terra. Vous jouez pas, mais vous êtes là. On va être là. Bon. Ben, un gros merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et puis, ben, nous, ben, on va continuer. On poursuit. Hein, ben, ouais, on va se mettre sérieux. T'es dans un thème suédois, en plus. Là, tu retournes, tu nous replonges dans les ben, racines. Écoute, moi, c'est quelque chose que j'ai écouté aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi pas? On va revenir avec... c'est introuvable maintenant, là. Ça s'appelait Édition limitée Québec 98, puis il y avait quand même quelques pièces qu'on retrouve nulle part, dont la version qu'on va écouter là, de Flower King, la pièce titre. Roy Inney avait refait un nouvel enregistrement juste pour ce disque-là. Et c'est ce qui est resté. Oui, il y avait aussi, j'ai hésité un peu parce qu'il y avait une version pré-prod de Garden of Dreams, mais on va y aller avec le classique de Flower King. Si Bruno est prêt, il est prêt. Alors, en musique. On y va en musique, donc avec le Flower Kings, édition limitée Québec 98. Et c'est à CKRL 89.1, Terrain Incognita jusqu'à minuit. champagne, he said. But it's raining stones in my head. Let my imagination. c'est Magic Pie, leur nouveau. On peut dire même qu'il est très chaud parce qu'il n'est pas sorti encore. je pense qu'il sort dans deux semaines, le 23 mai, sauf erreur. King for a Day. Ça faisait plusieurs années là, qu'il avait fait un album, Magic Pie. Et puis, je dois dire que ça demeure dans la bonne tradition. Moi, je trouve, je suis toujours surpris de voir que ce groupe-là, qui est vraiment quelque chose au-dessus de la moyenne, est pas si peu connu. Si peu connu, avec un groupe de cette qualité-là, là, c'est surprenant. Puis c'est pas leur premier, ça. Non. Puis les autres sont bons. Là. Ben oui. Ils sont tous bons. Enfin, c'est peut-être parce que ça vient de la Norvège. Les Scandinaves ont la cote. Mais bon. La cote à Terre Incognita, en tout cas. Non, mais je veux dire, en général, tu sais, il y a eu comme la vague scandinave des années 90, 2000. Même dans la musique pop, là, il y en a eu. Oui, partout. Mais eux autres, ils ont comme. Non. Ben, enfin. Ouais. Donc, Magic Pie, King for a Day. Avant ça, on avait Is. Ouais, ça aussi, là, un autre, ça, c'est un autre super bon groupe. Is Everlasting Instant. Puis, ben, on avait un petit coup d'œil 98 quand même. Avec des Flower Kings. Des Flower Kings, l'édition Québec 98. Une version de la pièce de Flower King qu'on retrouve seulement sur ce disque-là. Et puis, évidemment, c'est plus disponible depuis des années. Une raison pour ne pas l'écouter. Non, mais c'est le fun qu'on puisse l'entendre. Ben oui. Donc, c'est la dernière demi-heure déjà. Okay. Ça passe vite, hein? Donc, je pense qu'on... On a plein de bonne musique. Oui. Puis, on parlait d'Aïs. Je pense qu'on va revenir avec une deuxième pièce. Moi, j'adore ce groupe-là. Moi aussi. On va se payer la traite. Une deuxième. Et puis, on va revenir avec une autre pièce aussi de Magic Pie, étant donné que c'est tout nouveau. Et puis, d'autres choses. Mais on sera jusqu'à minuit de même. Donc, Terrain Incognita, Marc, Michel, Bruno. C'est KRLMF. Comme dans le temps. What was it that you said to me? There's no escape. You own the mystery. So full of fire I once had been. With passing years, the fire's dimmed. It's been a long time since I've been around. It's been a long time since I've been around. We'll be right back.

but I still keep the fire burning. 'Cause in a while you'll be returning into my arms. I'll hold you tight, tug you in and tend the light. You never did return. You lost your fight, but I still want the fire glowing every night alone, not knowing. Oh, if our love ever could help survive, but I will keep that dream alive. Yeah. headstone I wrote, rest in peace, my lovely bride. Soon I'll be by your side.